en vouloir à la terre entière et vouloir malgré tout rester debout. Couché sur des parvis de pierre qui pensent encore à chemin à peine ouvert, un lien malgré les barrières qui ne tient qu'à nous, un voyage qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on est tous des ennemis? Sa part faisait le nécessaire sans nous mettre à l'écart. D'un pas entre ciel et terre, entre vous et nous, un chemin qui s'est ouvert. Qu'il faudrait faire un voyage plus qu'ordinaire.